الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. La prière en groupe. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, la prière en groupe est supérieure à la prière seule de 27 degrés. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, rapporté aussi par Muslim, Nasa'i et Ahmed, celui qui fait les ablutions pour la prière et qui fait bien les ablutions, puis qu'il marche pour aller à la prière prescrite et qu'il la prie avec les gens ou avec le groupe ou dans la mosquée, Allah lui pardonnera ses péchés. Subhanahu wa ta'ala. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne va pas citer tous les hadiths sur ça, il y en a beaucoup, celui qui fait la prière de l'Isha en jama'a, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui fait la prière de l'Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié la nuit en entier. Ça, ce hadith est rapporté par Muslim et Abu Dawud et Tirmidhi et Ahmed. C'est un hadith sahih. Taïb, on va rentrer directement dans Hukm Salat al-Jama'a, le statut de la prière en groupe. Il faut savoir que, en ce qui concerne la prière en groupe, les savants ont divergé, on va dire, en deux paroles générales, en deux avis. Dans chaque avis, il y a des différences aussi. Il y a une partie des savants qui considère que c'est une condition de validité de la prière. Shartu sihhati salat. C'est-à-dire comme l'wudu, comme les ablutions. Bien sûr, salatul jama'a des rijal. On parle de la prière en groupe pour les hommes, non pas pour les femmes, ni pour les impubères, les hommes qui ne sont pas pubères. Pour les hommes. Certaines parties des savants voient que c'est une condition de validité de la prière. C'est-à-dire que pour eux, une personne qui fait la prière seule alors qu'il entend l'adhan, sa salat batila. Sa salat, elle est invalide. Comme celui qui aurait fait salat sans l'wudu. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. C'est la parole de شيخ الإسلام ابن تيمية et son élève ابن القيم. Le deuxième avis, c'est que salatul jama'a wajibun fardun ala l'ain. C'est une obligation. Mais ce n'est pas shartu siha. Celui qui ne la fait pas parmi les hommes en groupe, sa prière elle est valide, mais il a un péché. Il a laissé une obligation. وهذا قول جماهير أهل الحديث. Ça c'est la parole de la plupart des gens du hadith. Et c'est de même, ça a été rapporté de Ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari et de Atta et l'Auza'i, Abu Thawr, c'est le madhab de l'imam Ahmed aussi, que la prière en groupe c'est une obligation, et celui qui la délaisse, il a un péché, mais sa prière elle est valide. C'est la parole aussi de l'Hassan al-Basri. Ça c'est le deuxième avis. Le troisième avis, c'est que c'est fardu kifaya. C'est une obligation de l'établir en général pour tous les musulmans, mais c'est-à-dire une obligation en groupe, de groupe, pas une obligation déterminée pour chacun. C'est-à-dire que c'est obligatoire pour les musulmans de faire la prière en groupe en général, mais une fois que la prière en groupe elle est établie, qu'il y a au moins un groupe qui fait la prière, pour le reste, c'est une sunna très recommandée et non pas une obligation. Ça, c'est l'avis de Shafi'i, de ceux qui suivent le madhab de l'imam Shafi'i. Et le quatrième avis, c'est que salatul jama'a, c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna très recommandée qui ne doit pas être délaissée. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik et Abu Hanifa et de Jumhur al-Fuqaha. Voilà les quatre avis sur cette mas'ala. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. Ces quatre avis, on peut les partager en deux groupes. Ceux qui disent que c'est obligatoire, ceux qui disent que c'est recommandé. Même si après, il y a des détails, comme on l'a précisé, que ceux qui disent que c'est obligatoire, il y a deux avis dedans, entre ceux qui considèrent que c'est obligatoire, plus c'est une condition de validité de la prière. Et ceux qui disent que c'est recommandé, c'est-à-dire c'est recommandé, mais c'est une obligation pour le groupe. Et ceux qui disent que c'est juste recommandé. Le groupe des savants qui disent que c'est obligatoire de faire la prière en jama'a, il se base sur plusieurs adillas, plusieurs preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La première preuve, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate An-Nisa, celle qu'on a parlé la semaine dernière, le verset qui parle de la prière de la peur en voyage. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. Ils disent, Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné aux croyants de faire la prière en groupe, même en bataille, même en voyage. Même pendant la guerre. Même dans la prière de la peur, ils ont fait la prière en groupe. Donc si ce n'était pas obligatoire, pourquoi pendant cette peur, pourquoi pendant la guerre, pendant la difficulté, ils vont se rajouter de la pénibilité pour la faire en groupe si ce n'était pas obligatoire? Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ » Et accomplissez la prière et donnez l'aumône légale et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. C'est-à-dire quand Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné « وَاقِيمُ الصَّلَاةَ » Accomplissez la prière. Juste après, il a expliqué la manière de l'accomplir. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Et inclinez-vous avec les gens qui s'inclinent, c'est-à-dire en groupe. Inclinez-vous ensemble. Priez ensemble, en groupe. وَهَذَا أَمْرٌ Et ça, c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tant qu'il n'y a pas une chose, une preuve qui vient prouver que ce n'est pas obligatoire, on le prend à l'impératif, à l'ordre. C'est un ordre. De même qu'il y a le hadith, le prophète de hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai pensé à ordonner qu'on ramasse du bois et ordonner qu'on appelle à la prière et de mettre quelqu'un à ma place comme imam et d'aller brûler les maisons de tous ceux qui ont prié chez eux sur eux. » Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pensé à aller brûler les maisons des gens sur eux-mêmes si ce n'était pas une obligation de faire la prière en groupe pour les hommes? De même, le hadith d'Abi Hurayra, qu'un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Ibn Ummi Maktoum, comme il a été rapporté dans d'autres versions, il a dit au messager d'Allah, je n'ai personne qui peut me diriger à la mosquée. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner la permission de prier chez lui. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé. Quand il allait pour partir, il l'a appelé. Il lui a dit, est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il a dit oui. Il lui a dit, alors réponds à l'appel. Si un homme aveugle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de répondre à l'appel à la prière. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est une obligation, mais babi aoula pour celui qui n'est pas aveugle. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné en voyage à Malik ibn al-Huwayrith quand il rentrait, quand des gens de son peuple lui sont donc venus, comme Malik ibn al-Huwayrith, il est venu avec des gens de son peuple demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam apprendre l'islam avec lui, puis retourner enseigner l'islam à son peuple. Il a dit, quand la prière arrive, que l'un de vous fasse l'appel à la prière et que le plus âgé d'entre vous préside la prière. Ça, c'était dans le cas où il n'y avait pas de gens qui connaissaient le plus le Coran, comme on verra plus tard qui est prioritaire dans l'imam. De même que dans le hadith de Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, bien sûr, sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas trois personnes dans un village que ce soit en ville ou à la campagne, et qui n'accomplissent pas la prière en groupe sans que Shaitan a mis sa main sur eux. Attachez-vous au groupe. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ. Soyez avec le groupe, car le loup mange toujours la brebis égarée. De même, qui a été rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas, fi sahih. Certains disent que c'est une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais le plus juste, comme l'a rapporté al-Bayhaqi, il a dit que le plus juste, c'est de dire que c'est une parole d'Abdullah ibn Abbas et non pas une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, celui qui entend l'appel à la prière et qui ne répond pas à l'appel, il n'a pas de prière complète, sauf s'il a une excuse valable. Donc, pour Abdullah ibn Abbas, le fait de ne pas répondre à l'appel à la prière, de ne pas venir à la prière en groupe sans excuse valable, c'est comme si on n'avait pas de prière, où on en perd une grande récompense, comme on va le voir plus tard. De même que Abdullah ibn Mas'ud rapporte, on voyait à notre époque que personne ne délaissait la prière en groupe, sauf un hypocrite dont son hypocrisie était avérée, était connue. Ou bien un malade. Et quand il était malade, on le prenait entre deux personnes, on le portait et on le mettait dans les rangs. Et on le mettait dans les rangs. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris les traditions de la guidée. Et la prière en groupe font partie des traditions de la guidée. Cela dans la mosquée et en faisant l'appel à la prière. Donc voilà les preuves sur lesquelles se sont basés ceux qui disent que la prière en groupe est obligatoire. Ceux qui disent que ce n'est pas une obligation formelle, mais que c'est fortement recommandé, ils se sont basés sur les mêmes preuves, mais sauf qu'ils considèrent que toutes ces preuves, elles ne sont pas venues pour donner une obligation formelle, mais une recommandation. Comment elles ont répondu à cela ? Car il voit d'autres hadiths qui montrent que la prière de la personne qui prie seule est valide et valable. Sur quoi ils se sont basés? Premièrement, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière en groupe a 27 degrés de plus que la prière seule. » Il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière seule, elle a quand même un degré de hasanat. Si c'était un péché de prier la prière seule, il peut pas avoir un degré de hasanat. Il n'aurait aucun degré de hasanat. Pour l'instant, on donne les preuves de chacun. À la fin, on va, inchallah, résumer. De même que dans le hadith de Yazid ibn al-Aswad, dans la parole des deux personnes, dans l'histoire des deux personnes qui avaient prié chez eux et qui sont venues à la mosquée. Et ils n'ont pas prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, c'est un hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, pourquoi vous n'avez pas prié avec nous? Ils ont dit, on a prié chez nous au messager d'Allah. Il a dit, ne le faites pas. Si vous priez chez vous, si vous avez déjà prié chez vous, et que vous venez dans une mosquée où ils font la prière en groupe, alors priez avec eux, elle vous sera comptée comme une prière surérogatoire. Là, ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas reproché d'avoir prié chez eux. Il leur a seulement reproché de quoi ? De ne pas être rentré dans le groupe qui priait à la mosquée. Donc, si c'était obligatoire de prier en groupe, il leur aurait reproché. Il leur aurait dit, pourquoi vous avez prié chez vous ? Et pourquoi vous n'avez pas prié avec le groupe ? Donc ça, c'est une des hadiths sur lesquels aussi il se base. De même que le hadith d'Abi Moussa, al-Ash'ari, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la personne qui a le plus de récompenses dans la prière, c'est celui qui vient le plus loin de la mosquée et qui marche le plus. Et celui qui attend de prier avec l'imam, il a une plus grande récompense que celui qui a prié et qui a dormi, Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend valide et ne dit pas que c'est un péché ni une interdiction de prier et d'aller dormir sans attendre la prière en groupe. Donc, ceux qui disent cela et disent dans ce cas-là, ça prouve bien que ce n'est pas un péché de délaisser la prière en groupe, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui attend l'imam, il a une plus grande récompense, mais il n'a pas nié le fait que celui qui prie et qui dort, il n'a pas de récompense. Mais il a dit qu'il a la récompense, mais moins que celui qui attend l'imam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui mange de cet arbre, c'est-à-dire de l'ail, qu'il ne vienne pas dans nos mosquées. Donc, il dit, si la prière en groupe, c'était obligatoire, comment le fait juste de manger de l'ail, ça t'interdirait d'aller, tu pourrais délaisser une obligation juste à cause de l'ail? Et ils disent, comment, si la prière en groupe était obligatoire, ce serait interdit de manger de l'ail. Et pourtant, tous les ulama sont d'accord pour dire que manger de l'ail, c'est halal, c'est pas haram. Car si manger quelque chose, ça t'empêche de faire une obligation, ça deviendrait interdit de manger cette chose, n'est-ce pas? Donc, ils disent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'en mangeant de l'ail, on n'a pas besoin de venir prier, enfin on n'a pas besoin, on a le droit de ne pas prier à la mosquée plutôt, ou bien que c'est détestable de prier, venir prier à la mosquée quand on a mangé de l'ail, alors ça veut dire que la prière à la mosquée en groupe n'est pas une obligation formelle, mais que c'est recommandé. Taïb, vous avez entendu les deux avis, avec les preuves de chacun. Quel est l'avis le plus juste entre ces avis? Wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Tous les avis que le deuxième groupe de savants ont donné, ils peuvent être interprétés. Comment? Dans le sens que ces gens-là qui n'ont pas fait la prière en groupe, ils ont une récompense, ou la prière qui n'attend pas l'imam, il prie et il va dormir, il a quand même une récompense, ou bien les deux personnes qui ont prié chez eux et qui n'ont pas prié avec le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas repris sur le fait qu'ils avaient prié chez eux. Tout cela, on peut dire que c'est des gens qui avaient une excuse valable de délaisser la prière en groupe. Ou bien ils ne sont pas réveillés, ou bien ils étaient malades, ou bien ils avaient mangé de l'ail, ou bien, comme on va le voir plus tard, dans les excuses de ceux qui délaissent la prière en groupe. Quelles sont les choses qui permettent de délaisser la prière en groupe? Donc, Allahu A'lam, les versets et les hadiths qui enjoignent et qui obligent, qui rendent obligatoire de faire la prière en groupe, sont clairs. Alors que les hadiths qui sont venus pour dire que la prière seule a une récompense peuvent être interprétés dans le sens que celui qui fait la prière seul avec une excuse valable, c'est-à-dire dans le sens s'il a l'excuse, une excuse de faire la prière seul, il a une récompense. Par exemple, on va faire le cours sur les excuses, mais je vous donne un exemple. Si quelqu'un habite très loin de la mosquée, ou assez loin, au point où s'il y avait une personne qui faisait l'adhan de la mosquée à voix haute mais sans haut-parleur, et qu'à l'endroit où il n'entendrait pas l'adhan, cette personne-là, pour lui, la prière en groupe n'est pas obligatoire. Mais c'est mieux. Donc ces hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui prie chez lui attend de récompense plutôt qu'à lui, ça concernerait ce genre de personnes-là. Les personnes qui ont une excuse. Comme par exemple aussi, quelqu'un dont le repas a été posé chez lui au moment de la prière et qu'il a mangé alors qu'il avait faim. Il a mangé, il a raté la prière en groupe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si le repas est posé et il y a la prière, alors devancez le repas à la prière. Donc là, cette personne-là, il aura la récompense de la prière, mais moins que celui qui a prié en groupe. Donc tous les hadiths qui parlent de la valeur de la prière seule, ça peut être interprété dans le sens que c'est pour celui qui a une excuse valable de faire la prière seule. Non. La femme, ce n'est pas obligatoire pour elle de faire la prière en groupe, mais c'est permis. Et elle peut le faire de plusieurs manières. Ou bien, la prière en groupe entre femmes. Cela a été rapporté de Aïcha radiallahu anha et de Umm Salama qu'elles ont présidé la prière pour les femmes. Sauf que la femme, quand elle fait imam, elle ne se met pas devant les femmes. Elle reste au milieu dans le rang. Elle ne se met pas devant, comme l'homme. Elles font un rang, deux rangs, trois rangs, peu importe si elles sont que des femmes. Et elle, elle est au milieu du rang, comme ça a été rapporté de Aïcha radiallahu anha et de Umm Salama, qu'elles ont présidé la prière pour les femmes. Ça, c'est possible. Et elles auront, Inch'Allah, la valeur de la prière en groupe. De même qu'elles peuvent faire la prière derrière un imam homme, comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles venaient à la mosquée, elles étaient au fond de la mosquée, et elles priaient avec les hommes, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux sahaba de ne pas se lever de leur place et de ne pas se tourner jusqu'à que les femmes sortent et rentrent chez elles. Et comme ça a été rapporté dans le hadith, quand ils pensaient que les femmes étaient sorties et rentrées chez elles, alors les hommes se levaient et sortaient. Il est vrai qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de séparation physique entre les hommes et les femmes dans la mosquée. Il n'y avait pas de mur. Mais la mosquée était grande. Et les sahaba, ils étaient éduqués. Ils ne regardaient pas les femmes. Les femmes étaient loin des hommes. Les femmes sortaient toutes. Après, les hommes se levaient et partaient. Aujourd'hui, les gens vont dire, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de mur. Allez, yallah. Les femmes vont venir ici, derrière, devant. Les femmes, elles ne savent même pas mettre le hijab aujourd'hui. Elles vont rentrer comment? En plus, ça, c'est à condition que la mosquée soit assez large, très grande. Et que les gens respectent les règles de l'islam. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il avait fait une porte spéciale pour les femmes. Et quand il ne laissait aucun parmi les hommes se lever avant que toutes les femmes se lèvent et sortent de la mosquée. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur rang pour les femmes, c'est les derniers rangs. Et les meilleurs rangs pour les hommes, c'est les premiers. Pourquoi? Les meilleurs hommes sont ceux qui s'éloignent le plus des femmes. Et les meilleures femmes sont ceux qui s'éloignent le plus des hommes. Pour pas qu'ils se mélangent. De même qu'il est permis à un homme seul de prier avec une femme seule à condition que ce soit un mahram pour elle. C'est-à-dire que ce soit ou son père, ou son mari, ou son frère, ou son oncle, ou son fils. C'est permis et ce sera compté comme salat al-jama'a en groupe. Ce sera compté comme la prière en groupe. De même qu'il a été rapporté des salaf salih, des pieux prédécesseurs, qu'il est permis à un homme seul de présider la prière de plusieurs femmes, même si elles ne sont pas des maharim, à condition, si c'est un homme qui craint Allah, car il n'y a pas de khalwa. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de khalwa, c'est-à-dire d'être isolé seul dans une pièce avec une femme, ce qui est interdit en islam. Donc si ça arrive, on ne sait jamais, par exemple, pour une raison ou une autre, quelqu'un s'est retrouvé à un endroit où, par exemple, il y a sa femme, sa sœur, plus d'autres femmes, et lui, il est loin. Et l'heure de la prière est venue. Par exemple, il préside la prière et les femmes derrière, elles le suivent en groupe, c'est permis. Mais après, c'est pas après la prière, ils restent ensemble, ils discutent ou là. Non, après la prière en groupe, après, alhamdulillah, chacun prend son chemin, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin.